Parce qu'on veut tous sortir du lot, pouvoir taper nos délires, décrocher le gros lot. Ouais, remplir la tirelire pour faire taire les langues de pute, quoi j'suis buté. Pour présenter le terre-terre, nous on recrute que des réputés. J'suis réputé rapide et souvent à boîte comme ta bite. Commencer dans les lyrics, 7, 8, tu sais où j'avais beau bouche, bégère sur bouche, sale biatch. J'fiche pas si j'rappe carry et que j'kifferie pas. Moi c'est les euros ou les dollars, mon désert connard. J'aime quand ça granarde, quand tu finis, j'ai le kiné. On veut tous rouler en merco. Mais combien arrivent à parvenir à leur fin mexé? Je veux le roro, j'espère la riri m'aidera à rase. Dédicace au racine, tragédie ou camaro. R.E. frère, mets tes fringues, on voit ton string, t'as le bal trinque. Mais t'as pas honte, moi je t'affiche pas, moi je t'épingle. Je veux le sexe pour te vexer, je veux ta mise pour ses cuisses. Il te reste plus que le pax, moi je te boxe, c'est un 6. Et pour les 6, t'as 6 textes, t'es mu, t'as vu. Laisse-moi t'aimer, t'inquiète, moi je suis pas tout mou entre nous. Pas timide, ouais t'es mal, t'aimes, même dis pas que t'aimes pas. Sinon ferme-la au four, toi putain de femme. Genre NSB. Oh, je poursuis l'histoire pour une bonne instru et un micro. Sex, soir et NSB. Ça c'est mon rêve, poto. Sex, soir et NSB. Oh, je poursuis l'histoire pour une bonne instru et un micro. Sex, soir et NSB. Oh, ça c'est mon rêve, poto. Gaston, NSB, on prend les choses en main. Ça y est, tu m'estimes, tu viens me serrer la main. Mais qu'est-ce t'as cru, sale coup du cul. Mais qu'est-ce t'attends, attends, tant que t'as le temps. C'est à le temps de faire sa vie, mais pas tant que je savoure. Si ça vire tout mauvais dégo, ça va être sévère. Peut-être que tu t'es pisse, ça va de la cesser au mystère freeze. Trop falsifié, faut le savoir, non là ce qu'il faut pacifier. Je suis loin d'être pacifique, ça on verra quand j'aurai assez fric. Mais ça attire les flics qui me croient pas, ça vient des hessédics. Je veux palper, avoir le bras long comme un poulpe. Je te parle pas de plaît, mais bien ce putain de scalpa. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler en testaros avec mon rose pas, mais des grosses pas. Sur autoroute, personne m'arrête, pousse ta putain de charrette. Je me charge, j'ai chouré le bif, le shérif et sa grosse si charmante. Sex, sex, soir et NSB. Oh, je poursuis l'histoire pour une bonne instru et un micro. Sex, sex, soir et NSB. Oh, ça c'est mon rêve, poto. Sex, sex, soir et NSB. Oh, je poursuis l'histoire pour une bonne instru et un micro. Sex, sex, soir et NSB. Oh, ça c'est mon rêve, poto. Oh, oh.